طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ففي آخر الدرس أخذنا ماذا؟ المرفوعات. أحسنت، مبتدأ. ما هو المبتدأ؟ اسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. نعم. طيب وينقسم لكم مبتدأ؟ كم يتديفيز؟ كالفاعل، كالنائب فاعل، يعني ظاهرة ومضمرة. ظاهر ومضمر. نعم. هات مثالا مبتدأ وخبر. زيد قائم. زيد قائم. وأنا قائم. نعم أحسنت. الآن سنأخذ الجزء الثاني. Donc on a dit le mubtada, également la phrase comprenant un mubtada, c'est une jumla ismiya. Car elle commence par un mubtada qui est un ism. Et la phrase commence par un fi'al, c'est une jumla fi'aliya. قال الآن أنواع الخبر. أولا نعيد تعريف الخبر، هو il y a plusieurs définitions. L'auteur il a cité quoi dans son char? Al musnadu il al mubtada'i allazi yutammu bihi al fa'ida. C'est la chose qui est liée au mubtada, par laquelle tu informes du mubtada, par laquelle se complète la fa'ida. C'est-à-dire demain tu dis Zaydun wahda, Zaydun quoi? Aish Zaydun. La phrase elle a besoin d'être complétée. Donc la chose par laquelle tu vas compléter, ce sera ça le khabar. Tu informes du chose que je veux dire par rapport à Zayd. Il a quoi Zayd? Zaydun qa'imun. Ah d'accord. Khalas. C'est ton khabar. On t'a informé d'une chose par rapport au mubtada. قال المصنف رحمه الله تعالى والخبر قسمان مفرد وغير مفرد فالمفرد نحو زيد قائم وغير مفرد أربعة أشياء الجر ومجرور والظرف والفعل مع فاعل والمبتدا مع خبره نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة. Donc le khabar de forme مفرد, c'est-à-dire un mot seul. Quand on dit moufrad, là on ne peut pas dire singulier. On veut dire un mot seul. Wagal moufrad, c'est-à-dire une phrase. Exemple du moufrad, Zaydun qa'imun. Donc Zaydun c'est mubtada. Le qa'imun c'est le khabar. Qa'imun c'est là, c'est un ism moufrad, il est tout seul. Et là ça peut être un musanna, ça peut être un jam zakar salim. Ce n'est pas comme le moufrad qu'on a pris au début dans Aramat al-Arab. C'est un autre moufrad. Là moufrad c'est ma'na lissabi jumla. Ce n'est pas une phrase, c'est un moufrad. Lorsqu'il n'est pas mufrad, ce qu'on appelle jumla, ou chib jumla. Jumla ou chib jumla. Chib jumla comme le jar, le majrour et le zarf. Et jumla comme le fi'l avec son fa'il ou le mubtada avec son khabar. Exemple, Zaydun fi dar. Ou ghayr dhalika. Ça va revenir, Inch'Allah, taht, avec le kalam du charih, Inch'Allah. Donc, comme il a dit, al-khabar no'an, mufradun ou ghali mufrad. D'accord? Ce qui est mufrad, qui ne l'est pas. Al-khabar mufrad, huwa malisa jumlatan, wala shibh jumla. Ni une jumla, ni ce qui ressemble à une jumla. Al-khabar al mufrad no'an, jumlatun wa shibh jumla. Et le khabar qui n'est pas mufrad, c'est deux choses. Jumla ou shibh jumla. Wal jumla no'an. Ismiyatun wa fi'liya. Deux formes de jumla. C'est qui est ismiya, qui commence par mubtada et qui finit par un khabar. Et fi'liya, alati tubda bi fi'l. Tubda bi fi'l. Qala fal ismiyatu alati tubda bi ism. Nahu zaydun. جاريته ذاهبة. Donc là, attention, les arabes. Ça va être quoi là? Zaydoun, premier exemple de khabar, dont qui est, enfin, premier exemple de khabar qui est une jumla. Et quelle forme de jumla? Ismiya. C'est-à-dire que tu as Moubtada en premier, et ce Moubtada, son khabar, c'est une autre phrase ismiya qui est un autre Moubtada et un khabar ensemble. Et ce Moubtada et ce khabar ensemble sont le khabar du premier Moubtada. Kama zakara, Zaydoun, jariyatuhu, zahiba. Par exemple, Zaydoun, sa servante s'en va. Ça durait comme ça. Donc là, maya yarab, Zaydoun, mubtada, marfu'un bilibtida, waramatu raf'i, al-dhamma. Bel yukal afwan, mubtada l'awwal, yukal akada, fil jumla. Mubtada l'awwal. Premier mubtada. Ça, tu te dis qu'à quel moment? Quand tu as un khabar qui est une jumla ismiya. Sinon, ce n'est pas la peine de le dire. Thumma takul. Jariyatuhu. Jariyatuhu. Jariyah. Aza mubtada thani. Marfu' bilibtida. Wa aramatu raf'i al-dhamma. Wa umudaf. Wa laha. Damirun mutasilun. Mabni ala dham fi mahal jar mudaf ilayhi. Zahibatun. Et je te dhak. Ah, ça y est. Zahibatun. Hada khabar. Khabar mada? Khabar al mubtada al thani. C'est-à-dire jariya. Zahibatun, c'est le khabar de jariya. Tu dis khabar marfou' bil mubtada. وَرَمَتُ رَفْعِهِ الظَّمَّ الظَّهِرَ الْآخِرِهِ ثُمَّ الْجُمْلَةَ الْإِسْمِيَّةَ الْمُكَوَّنَةَ الْمُتَكَوِّنَةَ مِنَ الْمُتَدَى الثَّانِي وَالْخَبَرِ لَفْرَزْ جَارِيَتُهُ ذَاهِبَةَ تقول خبر المتدى الأول. Donc هذه الجملة يعني أغرب في محل رفع خبر المبتدا الاول toute la jumla ايوه toute la jumla est dans un mahal الان يعرب كعلي كوا علي خبر دي مبتدا donc tu dis الجمله المتكونه من المبتدا والخبر في محل رفع خبر ماذا مبتدا الاول ثم deuxième jumla الفعليه وهي التي تبدا بفعل نحو زيد قام ابوه زيد قام ابوه زيد son père s'est levé وماذا في quoi le problème Aïwa, on parle de quoi là? Ah, c'est une jumla. Là, c'est une jumla. On parle de quoi là? C'est quoi le shahid? La jumla doit commencer par fi'l. Aïwa? Et c'est quelle jumla qui visait là? Ah, fi'liya. C'est l'autre mubtada en fait. C'est là dans la partie là. Zaydoun qama abuhu. Elle est où la jumla fi'liya? Qama abuhu. On vise le khabar là? Ah ouais. Là, le khabar c'est une jumla fi'liya. Aïe, ça ne confond pas. Zaydoun, Mubtada. Marfou. Wa aramatu raf'i, al-dhamma. Thumma, qama, firun. Mardi, mabni, ala, al-fath. La mahalla lahu, min al-i'rab. Abu, fa'il, marfou, birfir. Wa aramatu raf'i, الواو نيابة عن الضمة لأنه أسماء الخمسة وهو مضاف ولها ضمير متصل مبني على الضم في محل مضاف إليه أحسنت والجملة الفعلية المتكونة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مبتدا إلو الخبر تسأل الخبر تسأل الخبر Qama Abu. Ou le khabar, c'est quoi son i'rab à la base? Marfou. Donc la phrase, elle est fi mahal raf. Kassel le khabar. Car le khabar, là-bas, c'est un ism marfou. Et ça peut être une phrase également. Quand c'est une phrase, la phrase entière est sur mahal. Car c'est un khabar. Et le khabar, c'est quoi son hukm? Rafa. C'est quoi son hukm? Rafa. Donc ça, c'est khabar jumla ismiya ou khabar jumla fi'liya. Maintenant, on va prendre shib jumla. C'est-à-dire une chose qui ressemble à une jumla mais qui n'en est pas une. Et c'est no'an kathalik. Al-jar wa majrur wa zarf. قال اولا الجار ومجرور تقول زيد في الدار زيد في الدار فزيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفعه ضمه الظاهره على اخره احسنت في حرف جار مبني على على السكون لا محل له من الاعراب الدار ما يعرب الدار نعم بفي وعلامة جره كسرة ظاهرة على آخره أحسنت وهذا في أول الأمر on va prendre comme ça pour pas t'écraser on va se contenter de ça pour l'instant parce qu'on peut parler encore on va s'arrêter là on prend la première couche فقط deuxième couche plus tard inshallah جر مجرور في محل رفع خبر d'accord ça te plaît comme ça garde-le pour l'instant pas mal. Donc là, ça s'appelle Shib Jumla, pourquoi? Car c'est pas une Jumla à la base. C'est un jar majour. Ça ressemble à une Jumla, mais ça n'en est pas une. Thumma Azorf. Nahu Zaydun Andak. On aurait pu dire Zaydun Ma'ak. Voyez? Tout ce qui est un Azorf, en fait. Prenons Zaydoun عندك. Zaydoun, حتى يعرب Zayd. مبتدا بالابتداء مرفوع. لا. مرفوع بالابتداء. آه. زيدون. مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره. نعم. وعندك. عندك. أداة ظرف. ظرف ومضاف إليه. وهو مضاف. مضاف. تمام. عندك ظرف. مكان. لا هو منصوب لو ظرف اللي منصوب لكن ça a un avoir avec le ça a un avoir avec le منصوب parce que le ظرف c'est منصوب ça dire l'arabe du ظرف c'est ça s'appelle مفعول فيه on va prendre les منصوبات OK d'accord le منصوب علامة نصب الفتحة وهو مضاف والكاف متصل مبني مبني على الفتح نعم في محل الجر في محل الجر مضاف اليه وأظرف avec son مضاف في محل رفع خبر قال فالحاصل أن الخبر على التفصيل خمسة أنواع بنصف تتايبيا الخبر دي 5 كاتيجوري غاليتي مفرد تمام كم زيد قائم وجملة اسمية زيد أبوه قائم مثلا وجملة فعلية زيد قام أبوه جار ومجهور زيد في الدار وظرف زيد عندك et si maintenant tu veux regrouper plus enchevêtré مفرد il est tout seul et غير مفرد c'est un قسم après ce قسم se divise lui-même en deux قسم غير مفرد ce qui est جملة et ce qui est شبه جملة ce qui est جملة se divise encore en deux Jumla ismiya, jumla fi'liya. Et shib jumla, c'est divisé même en deux. Jal majour wa zarf. Fahimta hada? Tamam. Hada sah. Donc là, tu as pris le khabar al-yom. Après, il y a un khilaf par rapport au Shibh Jumla. C'est quoi le khabar en réalité? Et ça, on l'a pas pris. On prendra, Inch'Allah, dans un ders, dans un autre kitab, peut-être, Inch'Allah ta'ala. Ou peut-être, on le recitera à la fin du livre, quand on parlera plus sur le jar, le majour ou le zarf. On fera tafsir dessus, ce qui nous contraindra à revenir à ce bab-là, peut-être, et à le citer en parenthèse. Je vais en faire quelques tamarines, vite fait, avant de partir. طيب سيت ما هو الخبر والمبتدا الصبر دياء صبر المبتدا ودياء خبر دياء خبر طيب المظلوم دعاؤه مستجاب المظلوم المبتدا ensuite دعاؤه مستجاب هذا الخبر لا ايوه لكن فصل بريسيز c'est une jumla الجمله اسمية دونك مرفوع خبر الاسم مبتدا في الجمله الاسميه دعاء الاسم خبر مستجاب مستجاب تمام الحياء من الايمان الحياء مبتدا نعم من الايمان يعني شبه جمله على محل في محل في محل الرفع خبر نعم المؤدب يحبه اخوانه المؤدب مبتدا نعم ويحبه اخوانه على جمله فعليه نعم في محل رفع احسنت خبر انا faut savoir une chose c'est que le khabar fi al gharib al asl انه يتابع المبتدا في الافراد والتثنية والجم والتأنيث والتذكير ذلك c'est-à-dire si le mutada il est khabar si le mutada il est muzakkar le khabar à la base c'est qu'il l'est si le mutada est pluriel le as c'est que le khabar le sera aussi si il est musanna le sera aussi par exemple tu vas dire at-talib qa'imun talib il est muzakkar mufrad donc qa'im الطالبة قائمة تبقى الطالبة قائم كم لو خبر لو مبتدا عفوا il est singulier féminin le khabar il va être pareil الطلاب tu veux dire quoi قائمون il va être pluriel mais des fois tu as des cas spéciaux par exemple tu vas dire الطبيب امرأة le médecin est une femme مثلا فهمت هذا Par exemple, tu vas faire un truc comme ça, c'est-à-dire c'est un truc spécial. Ah ouais. Mais la base, c'est qu'il le suit. Maintenant, des fois, là, on a compris dans ta phrase, le tabib imra, en fait, tu informes que le tabib c'est une femme. Non. Taïfaïla huna, wa alhamdulillah rabbil alamin.